La vie devient de plus en plus dure. Normal qu'on gère nos activités, qu'on cherche la facilité au moment où on a besoin d'une. Alors faut que t'avoues que je maîtrise. Les jaloux maîtrisent, mais j'ai pas le temps pour ces bêtises. Il me faut des sous et c'est triste. Ouais, car sur ces terres, c'est chacun son tour, faut que j'existe. Ce monde de fous et ses fils marron du paranoïaque. Je me méfie de tout, de l'état des attentats de New York. Ouais, et des fois même de mes proches. Les mêmes gens qui étaient hâte pour moi, qu'on s'était la serre dans mes poches. Donc fuck l'argent, il faut de la sérénité. Mais je vis ma vie de l'inconscient comme si de rien n'était. Je cherche le bonheur en fait comme tous. Mais c'est la mission impossible comme tous. Le cycle de la nature, la rotation de la terre. Chez nous le soleil se couche et quelque part il se lève. Y'a certaines choses qui ne changent pas. Les esprits sont présents en visite, ils sont pas. Le cycle de la nature, la rotation de la terre. Chez nous le soleil se couche et quelque part il se lève. Y'a certaines choses qui ne changent pas. Les esprits sont présents en visite, ils sont pas. Tant pis si tu ne sens pas. Tant pis. C'est la base, Transformers, c'est un TPS, concert Soya.